Conte de fées en français. La princesse et la grenouille. Il était une fois, à une époque où les souhaits se réalisaient souvent, vivait un roi et sa jolie fille. Elle était si belle et si aimante que le roi lui donnait toujours tout ce qu'elle désirait. Papa, je m'ennuie avec mes vieux jouets. J'en voudrais bien des nouveaux pour m'amuser. Oh ma chérie, comme tu m'es précieuse, je vais te donner le jouet le plus précieux que mon grand-père m'avait donné lorsque j'étais un enfant. Le roi ouvrit son coffre en or et prit une balle dorée brillante. Waouh ! Prends cette balle. Elle brillera aussi fort que le soleil dans le ciel. Mais elle est très très très précieuse. Surtout, ne la perds jamais. Merci, papa. Tu es le meilleur papa du monde. La princesse commença à jouer dans le jardin. Quand la balle roulait, elle lui courait après dans tous les sens. Soudain, apparut une affreuse grenouille. Berk ! Va-t'en, vilaine grenouille ! Je t'ai vue derrière les fourrés et je suis éblouie par ta beauté. Bleh ! Me laisserais-tu devenir ton amie et jouer avec toi ? Berk ! Mais comment oses-tu penser ça ? Je ne peux pas jouer avec une grenouille si laide et pleine de verrues. Je suis la plus belle jeune fille du monde. Pourquoi je devrais jouer avec une chose si sale? Je peux sautiller ou sauter. Je peux même nager et attraper ta balle. Je suis vraiment le camarade de jeu parfait. Je préfère encore jouer seule que d'avoir à toucher une grenouille sale. Pleine de dégoût, la princesse retourna au château pour se débarrasser de la grenouille. Le lendemain, elle revint jouer avec sa balle. Elle choisit un coin isolé sous un vieux tilleul près d'un puits. Comme cet endroit est calme et agréable, cette horrible grenouille ne pourra pas me trouver ici. Elle commença alors à jouer avec sa balle. Elle la lança, puis la rattrapa. En faisant cela, la balle brilla si fort dans la lumière du soleil qu'elle l'éblouit. Au lieu de retomber dans la petite main de la jeune fille, elle tomba par terre près du bord du puits et roula au fond du puits. Oh non! Ma balle dorée! Oh mon Dieu! C'est tellement profond! Je ne peux pas voir où se trouve ma balle dans ce puits profond! Elle pleura beaucoup, beaucoup. Elle était comme inconsolable. Et alors qu'elle pleurait encore, elle entendit une voix. Mais que se passe-t-il, fille du roi? Tes larmes feraient fondre même un cœur de pierre. Bleh. Elle regarda autour pour voir d'où venait la voix. Oh! C'est toi, affreuse grenouille? Je pleure parce que ma balle dorée que j'adore est tombée dans le puits. Ne t'en fais donc pas. Bleh. Je peux t'aider. Mais que me donneras-tu si je t'aide à récupérer ta balle? Tout ce qu'il te plaira, chère grenouille. Mes vêtements, mes perles et mes bijoux, ou même la couronne dorée que je porte. Tes vêtements, tes perles, tes bijoux et ta couronne dorée ne m'intéressent pas. Mais si tu voulais devenir mon ami, faire de moi ton compagnon et ton camarade de jeu, si tu me laissais m'asseoir à table à tes côtés, manger dans ton assiette, boire dans ton verre et dormir dans ton lit, si tu pouvais me promettre tout cela, alors je plongerai au fond de l'eau et j'irai récupérer ta balle dorée. La princesse se sentit frustrée à l'énoncé de la longue liste de la grenouille. Mais pour pouvoir récupérer sa balle dorée, elle décida de se montrer patiente avec la grenouille. Oh oui, je te promets tout ça, tout ce que tu voudras, à la condition que tu rapportes ma balle. Dès que la grenouille entendit sa promesse, elle coula et disparut. Après un moment, elle remonta à la surface avec la balle dans sa bouche et la cracha sur l'herbe. La princesse fut folle de joie de revoir son petit jouet. Alors, elle s'en empara et s'enfuit avec. Stop ! Stop ! Emmène-moi avec toi ! Je n'arrive pas à te suivre ! Mais c'était inutile. Le lendemain, alors que la princesse était assise à la table du dîner avec le roi et qu'elle mangeait dans son assiette en or, on entendit frapper à la porte. Oh, princesse, laisse-moi entrer. La princesse se leva pour aller voir qui cela pouvait bien être. Mais quand elle ouvrit la porte, une petite grenouille était assise dehors. Oh, c'est toi, sale créature! Comment oses-tu venir jusque chez moi? Elle referma la porte à la hâte et retourna s'asseoir, vraiment mal à l'aise. Le roi remarqua que son cœur battait à tout rompre. Mon enfant, de quoi as-tu donc peur? Est-ce qu'il y a un géant devant la porte qui souhaiterait t'enlever à moi? Oh non, papa, il y a juste une horrible grenouille. Et que te veut cette grenouille? Oh papa, quand j'étais assise près du puits hier et que je jouais avec ma balle dorée, elle est tombée dans l'eau. Et la grenouille est allée la chercher pour moi à la condition que je la laisse devenir mon amie. Et je lui ai promis, mais j'aurais jamais pensé qu'elle pourrait sortir de l'eau et venir me trouver. Et la voilà devant notre porte et elle veut entrer maintenant. Fille du roi, ouvre-moi la porte. Tu m'avais fait une promesse. Si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Ouvre la porte et laisse-la entrer. Alors, elle alla ouvrir la porte. Et la grenouille entra en sautillant. Elle la suivit de près jusqu'à sa chaise. Merci, princesse. Soulève-moi, que je puisse m'asseoir. La princesse la regarda avec colère, mais rencontra de suite le visage sévère de son père. Il la souleva. Maintenant, nous pouvons manger ensemble. La princesse se força à manger, tandis que la grenouille fit un festin copieux. Resserre-moi de la soupe, s'il te plaît. C'est tellement délicieux. Je n'ai jamais mangé quelque chose aussi bon. La grenouille vida un nouveau bol de soupe, tandis que la princesse semblait s'étouffer avec la même bouchée. Merci infiniment, princesse. J'ai bien mangé et je suis fatiguée. Tu dois me porter jusqu'à ta chambre et préparer tes draps de soie. Nous allons nous coucher et nous endormir. Assez! Il vaut mieux que tu quittes le palais et tout de suite m'acheter. Ma chère enfant, ces mots ne sont pas convenables pour une princesse. Tu as fait une promesse à la grenouille, alors tu dois la tenir maintenant. Si une personne de la royauté a fait une promesse à quelqu'un, elle ne peut revenir dessus. C'est notre tradition ancienne et nous devons la suivre. Elle attrapa la grenouille avec deux doigts, la porta jusqu'au premier étage et la mit dans un coin. Il vaut mieux pour toi que tu passes la nuit ici, sinon je te jette dans les bois sombres dès demain. Je suis fatiguée et je voudrais dormir avec autant de confort que toi. Dans ton lit, ou bien j'en parlerai au roi. Toi, horrible grenouille! Elle l'attrapa et la balança de toutes ses forces contre le mur. En retombant, elle mourut instantanément. Réveille-toi, sacrée petite grenouille! Arrête ton cinéma maintenant! La princesse la pressa du doigt. Mais elle était aussi morte qu'une pierre. Oh non, elle est vraiment morte! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait, s'il te plaît? Réveille-toi, la grenouille! Je suis tellement désolée de mon comportement! Elle la prit dans sa main et continua à pleurer. Puis, elle embrassa délicatement la grenouille. Comme par miracle, la grenouille ouvrit ses yeux et sauta au sol. La grenouille disparut. Et laissa aussitôt place à un prince charmant avec de magnifiques yeux. Oh, c'est pas vrai? Qui es-tu? Où est la petite grenouille? Ne t'inquiète pas, j'étais une grenouille. Et maintenant, je suis le prince. Je vais te raconter toute l'histoire. Lorsque j'étais humain, j'étais rusé et arrogant. Une fois, je chassais dans la forêt. Je tuais des animaux. Soudain, une fée des bois se montra sur mon chemin. Toi, humain sans pitié, ces animaux ne sont pas des jouets avec lesquels on s'amuse. Ce sont des êtres vivants tout comme toi. Dieu a créé cette nature formidable et toi, tu ne fais que la détruire. T'ont-ils déjà fait du mal? Comment oses-tu me parler ainsi? Tu ne sais pas qui je suis? Je suis le prince de ce royaume et cette forêt m'appartient. Chaque arbre, chaque animal et chaque chose de cette terre sont à moi. Prince ignorant, la nature appartient à Dieu. Le créateur de cet univers, c'est Dieu et non toi. Tu n'as aucun droit de tuer des animaux innocents. Assez, demoiselle. Écarte-toi. Soudain, la petite fée des bois se transforma en une femme immense. Le prince prit peur en la voyant. Toi, l'humain arrogant, je te jette le sort de devenir une grenouille minuscule. Désormais, les serpents de cette forêt te chasseront pour manger, tout comme tu chassais ce pauvre daim pour en faire ton repas. Immédiatement, le prince se transforma en grenouille. Oh, mais que m'as-tu fait? Je t'en supplie, Fédébois. Je t'en prie, il faut me pardonner. Je promets que je ne ferai plus de mal à Mère Nature. Je serai bon avec toutes les créatures. Je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi. Je pense que tu as réalisé tes erreurs. Mais ton arrogance ne peut rester impunie. Je vais formuler un contre-sort. Oui, s'il te plaît, ma bonne fée. Je ferai mes preuves. Tu dois partir à la recherche d'une princesse qui manque de respect aux pauvres créatures et la convaincre d'être bonne envers toi. Si tu parviens à changer la nature d'un seul être humain, alors tu redeviendras un prince. La princesse se sentit honteuse d'avoir été aussi peu gentille. Ne sois pas triste, belle princesse. Maintenant, promets-moi que tu ne traiteras plus personne avec ce manque de respect. Tu seras bonne envers tout le monde. Oui, promis, mon prince. Oh, c'est super. Vu que tu as décidé de rester cette personne généreuse, est-ce que tu voudrais bien m'accorder une faveur? Bien sûr, tout ce que tu voudras. Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais rencontrée. Je suis amoureux de toi. Veux-tu m'épouser, princesse? Sans hésitation, la belle princesse répondit oui au prince charmant. Avec le consentement de son père, ils se marièrent. Chaque jour, le couple nourrissait les animaux et prenait un soin absolu des créations de la nature. La fée des bois vit la gentillesse de ce couple et fut ravie. Bien joué, mes enfants. Vous vous êtes enfin montrés de parfaits humains. Cette humanité divine réside en chaque être humain. Mais ceux qui ont conscience de cette nature deviennent eux-mêmes divins. Dieu va pouvoir répandre ses bénédictions sur vous deux. Ainsi, le couple vécut heureux et béni pour toujours.